Chapitre 22e, une représentation à bénéfice à l'opéra. Il était bruit à Paris depuis quelques jours que de la solennité qui se préparait à l'opéra. Une représentation au bénéfice d'une cantatrice célèbre qui partait, dès le lendemain de ses adieux, à un public dont elle était l'idole pour aller, pendant un an, charmée de ses mélodieux accents, les oreilles russes, promettait de réussir, rayonnant faisceau, tous les premiers sujets du chant et du ballet. Un début des plus affriolants devait ajouter encore à l'éclat si vif de cette fête offerte à l'aristocratie de la naissance et de la fortune par l'aristocratie du talent. La prima donna la plus renommée de l'Italie, la reine du théâtre de la Scala, la diva du théâtre Saint-Charles, avait voulu payer ce tribut de sympathie à l'enchanteresse qu'allait prendre congé de l'admiration et des braves parisiens. La débutante était, au dire des dilettanti qu'il avait entendus à Naples, à Milan et à Bologne, la cantatrice la plus merveilleuse qu'eût chaussé le cothurne. Quant à sa beauté, les métaphores les plus hardies, les images les plus hyperboliques leur paraissaient pour la peindre faibles et incolores. Raphaël, selon eux, eût seul été digne de reproduire ses traits sur la toile. Ce jour, si impatiemment attendu, arriva enfin. La salle présentait le plus éblouissant coup d'œil. Du parterre centré, s'échelonnaient, gradins vivants, 2000 têtes. Ce n'était partout que soie, dentelle et velours, lumière et parfum, or et fleurs, perles et diamants. Dans une avant-scène du rez-de-chaussée, de gauche venaient d'entrer le marquis de Kerdal et le duc et la duchesse de Clodion accompagnés de Pedro Diaz. Le marquis, qui se trouvait de passage à Paris avec son neveu, sa nièce et le Texien, avait voulu les faire assister à cette représentation. Fernande, vêtue avec une élégante simplicité, était admirablement belle. Le bonheur rayonnait sur le visage du duc Jean. Pedro Diaz ouvrait de grands yeux et semblait stupéfait de ce qu'il voyait. Quant au marquis de Kerdal, il était plus jeune que jamais. Du même côté, dans une loge de baignoire, se tenait, modestement caché au regard de la foule, le couple Maxou. Les 6 années qui avaient passé sur la tête de Flavia Morin depuis le jour où elle était sortie du château de Faubourlois pour être transférée dans la prison de Château-Chinon sous la fausse accusation de tentative d'empoisonnement sur la personne de la duchesse de Valombreuse, ces 6 années, disons-nous, paraissaient avoir glissé sur sa tête sans l'effleurer. Telle nous l'avons vue autrefois, telle nous la retrouvons ce soir-là avec sa splendide chevelure aux reflets cuivrés et ses yeux d'un bleu sombre presque noir. Tout décelait chez Maître Maxou, l'homme heureux par excellence, et lorsque ses yeux rencontraient ceux de sa première cliente, maintenant sa femme, ils avaient une expression de tendresse que la plume ne saurait traduire. Le vicomte de Kerlusset et le baron de Lavernay occupaient une première loge de face, et Irène et le jeune duc Octave de Valombreuse, 2 fauteuils d'amphithéâtre. Enfin, Salavère et Martineau, placés à l'orchestre et armés de jumelles, passaient en revue toutes les jolies femmes de la salle en raffinés connaisseurs qu'ils étaient. Un personnage décoré, d'environ 35 ans, séparé par 2 rangs de banquets de l'ex-clerc de Maître Lacarrière et de l'ancien reporter, qui promenait également sa jumelle à droite et à gauche de la salle, fit tout à coup un mouvement de surprise. « Le dessus du panier de mon ancienne clientèle, dit-il, pardieu, voilà qui est curieux. C'est à croire qu'ils se sont donné rendez-vous ici ce soir. » Et après réflexion, il ajouta, « Tiens, c'est une idée, et pourquoi pas ?» Au même moment, le rideau se leva. La première pièce, un opéra bouffe, fut jouée au milieu des applaudissements et du rire le plus franc et le plus communicatif. Mais malgré le talent des acteurs, la pensée des spectateurs n'était plus sur la scène, elle était derrière les coulisses. Le rideau se leva pour la seconde fois, parut une femme. Il n'y eut qu'un cri dans la salle, « Quelle est belle !» La diva n'était cependant, pour ainsi dire, parée que de sa beauté. Une croix de diamant brillait à son cou. De la naissance de ses épaules à ses pieds, que pressaient 2 ravissantes petites mules de maroquin rouge étoilé d'or, tombaient, en larges plis, un peignoir de cachemire blanc et de chaque côté de ce vêtement de neige se déroulaient, dans un pittoresque désordre, ses longs cheveux d'ébène. Inconnu en France, l'opéra qu'elle avait choisi pour son début était emprunté à la scène italienne et le rôle qu'elle y jouait était celui d'une jeune fille devenue folle par amour. Mélancoliquement assise dans un fauteuil, accoudée sur un guéridon, une main pendante, l'autre soutenant sa tête fatiguée et pâle, la nouvelle Nina, au lever du rideau, demeura un moment immobile, regardant fixement devant elle de son regard aveugle et morne particulier au délire. Puis elle se prit bientôt, sans sortir de son immobilité de statue, à soupirer plutôt qu'à chanter, d'une voix douce et lente, un air plaintif, coupé de silence. Tout à coup elle se leva, passa sa main sur son front, poussa un cri, un long sourire épanouit ses lèvres, deux flammes jaillirent de ses yeux, et s'élançant au milieu de la scène, les bras ouverts, comme pour presser sur son cœur un amant longtemps pleuré, elle commença d'une voix fraîche, sonore, incisive, un grand air, chant d'amour et d'ivresse, expression brûlante de la joie, qui gonflait son sein et rayonnait sur son visage. Un frisson d'enthousiasme parcourut la salle entière, puis tous les regards se portèrent de nouveau avec admiration sur la diva qui venait de tomber à genoux. Comédienne aussi puissante qu'incomparable cantatrice, elle avait imprimé à sa mobile physionomie un de ces changements d'expression dont les passions violentes seules ont le secret. Elle avait cessé de chanter, qu'on l'écoutait encore. L'émotion était à son comble. Trois salves d'applaudissements retentirent, un riche bouquet fut jeté de l'avant scène du rez-de-chaussée de droite, puis les autres tombèrent aux pieds de la diva, puis vingt autres, tout un déluge. Nous renoncerons à décrire les transports qu'elle excita, les hommages dont elle fut longuement enivrée chaque fois qu'elle reparut. Pendant l'entracte du second acte, le personnage décoré dont nous avons parlé plus haut était allé serrer la main de Salabert et de Martineau, qui, après quelques mots échangés, lui avait indiqué la baignoire occupée par Maître Maxou et sa femme. Après s'être entretenu quelques instants avec ces derniers, le même personnage s'était rendu successivement dans l'avant-scène du marquis de Kerdal, dans la loge du vicomte de Kerlusset et au fauteuil d'amphithéâtre auprès du duc Octave de Valombreuse et d'Irène, puis il s'en était retourné à sa place avec l'air d'un homme qui avait obtenu ce qu'il désirait. Quel était ce personnage qui paraissait si satisfait de lui-même et des autres ? C'est ce que nous allons voir.